characters. Block of palace shooters necessary. Bonsoir, bonsoir, c'est Proga par l'émission du rock progressif. On commence tout de suite avec Ian Anderson, pas John Anderson. Ian Anderson, oui, le flûtiste chanteur de Jethro Tull. Nouvel album, Homo Erraticus. The brash north wind strikes upon this high lovely spine. I offered searching souls the wisdom of my years. These lessons writ in book of ages, holy past. The agony, the righteous path to steer between the waves. The dark abyss tied to the mast. This sponge of pragmatic Constantine mops them all up and wipes them clean. It's all okay, it's all official. The Christ child advent here to be seen. Saturn solstice, Yuletide blotted, blended in cynic innocence. Meet in Milan and host the party. Safer to sit aside the fence. What is this book, these arid pages, scribed and scribbled with latitude? Tallest tales of poor and needy. in wide-eyed wonder at faith renewed. Words of gospel and redemption, absolution if we repent. Emperor's deathbed, late salvation, baptism in dubious testament. There's a royal child coming, there's a angry demon, there's a new age dawning here to an old age plan. Manic mother, her child gone missing, found in the temple with the elder men, gone about his father's business. Yeah, but he soon goes missing once again. Dumped his head with the match on pocket, West Bank desert, doubts and fear, white magic, healing and exorcism. Got 12 good men, now the gang's all here. There's a wild child coming, there's a angry demon, there's a new age dawning here to an old age plan. Divine seed sown. Did he really say that thing? On donkey colt, come to the passion, knowing full well what the charge must bring. The body bread of farewell supper, bounty silver, a kiss betrayed. It's a long, hard haul, that Via Dolorosa. No last contrition, quite unafraid. There's a wild child coming, there's a angry demon, there's a thank you. Chris Thompson. Another day is over and running through my head, all the things I didn't do before I have to go to bed. But no matter what I'm doing, I know there's always you to take care of. I turn off the light, walk up the stairs, and open up your door. Instantly, you melt my heart like a thousand times before. I hope you know we love you, and forever you will be my baby. In sad times I will comfort you. Dream away, little girl. When you're happy, we'll be happy too. Dream away, little girl. You can always count on me to help you make your dreams come true, little girl. Little girl. So dream on, little princess, while I stand and look at you. Of Barbie dolls and trinkets and your prince to the rescue. I can't be your knight in shining armor, but you'll always have my shoulder to cry on. In sad times I will comfort you. Dream away, little girl. When you're happy, we'll be happy too. Dream away, little girl. You can always count on me to help you make your dreams come true, little girl. Sad times I will comfort you. Dream away, little girl. When you're happy, we'll be happy too. Dream away, little girl. You can always count on me to help you make your dreams come true, little girl. Little girl. Il a toujours une superbe voix, Chris Thompson, Toys and Dishes. Ce n'est pas un album de prog, c'est un album de rock mélodique, mais le chanteur de Manfred Mann, et oui, c'est bien lui, lui est de retour avec des superbes mélodies à découvrir en toute urgence. À découvrir également, après Ian Anderson, Chris Thompson, Nick Magnus, ça va vous dire quelque chose? Oui, c'est le claviériste qui a joué avec Steve Hackett. Un nouvel album, un nouvel opus avec Sir Steve Hackett en tant qu'invité. Ça ne peut être que du bon et c'est effectivement excellent. Mnemonix, vous savez, c'est le mnemonic, c'est quelque chose qui permet de se rappeler un petit truc, un petit gadget. C'est le titre de son album. Tout de suite, Nick Magnus. change or rearrange the love I have for you. Who could feel the way I feel? Take it away. Take it away. Take it away. So hard they cry. John a tellement insisté, seigneur, tout honneur, John Lodge est donc passé avant Nick Magnus. Et oui, John Lodge, ça vous rappelle certainement les Moody Blues et vous avez raison. Réédition par nos amis d'Ésotérique de Natural Avenue, un album sorti en 1977. Et Nick Magnus, le voici, le voilà. Thank you. Filthy war, who'd have guessed your only fall? Adopted by his video game. inside his video game. Richard of York gave battle in vain. Jeff Green Project. To a place.

Oui, vous vous dites c'est excellent et vous avez raison, c'est incontestablement l'album de ce mois. Jeff Green Project, Elder Creek. Elder Creek, c'est anglais, c'est de 2014 et c'est excellent. Non moins excellent, RPWL, RPWL, Wanted, nos amis allemands sont de retour à notre plus grande joie. Les voilà avec un nouvel opus avant de les voir en concert au Proxud le week-end de l'Ascension. Tout de suite donc, RPWL est le titre de l'album Wanted. Vous écoutez Prog à part, c'est l'émission du rock progressif sur Sol 100.7 qui persiste et signe. Inside.

The walls are high and the floor is stone cold. Imagine if they could speak to me. Legislate our c'est pas mal non plus. Lee Abraham, Distant Days. Le bougre a joué avec une multitude de groupes néo-prog britanniques, Credo entre autres, et Galahad, si je dis pas de bêtises. Distant Days, album solo de Lee Abraham. Ce qui continue après, c'est aussi de haute volée, je pèse mes mots, c'est français et c'est leur troisième opus déjà, et ils frappent très fort. Un premier opus qui était vraiment déjà du pur cristal, un deuxième peut-être un petit peu moins éclatant, et là le troisième volume, le volume final, c'est carrément l'apothéose. Je veux parler de Delusion Squared, The Final Delusion, ça vient tout juste de sortir. C'est sur Prog à part tout de suite. Thank you. Panic Room. Of my life, and the sunlight is an omen. Ils sont anglais, ils s'intitulent Panic Room. Le titre de l'album, c'est Incarnate et c'est, ma foi, joliment troussé. On va terminer cette émission d'avril avec un groupe italien. Il y en a des foultitudes. Vous savez que la péninsule regorge de rock progressif. Un groupe qui s'intitule Le Nœud Gordien, Nodo Gordiano, et un album au doux nom de Nous. N-O-U-S, Nous, Nodo Gordiano, tout de suite sur Progapart. You're listening to Progapart, the progressive program in Lyon. Thank you. Notez bien sur vos tablettes le 5 mai, lundi 5 mai, ce sera la date de l'émission de Prog à part, édition mai. Et notez avant un concert le mercredi 30 avril, le mercredi 30 avril au Ninkasi, les Flower Kings. Et oui, tout simplement, les Flower Kings avec en première partie Karma Kanik. On va se régaler. Notez bien donc mercredi 30 avril au Ninkasi. Voilà, deux dates à noter. Et sinon, ben, vous retrouverez très très rapidement cette émission sur le site d'Acid Dragon, puisque vous savez que Prog à part et Acid Dragon sont intimement liés. Vous la retrouverez donc en HQ, en haute qualité, en podcast, puisque maintenant, ça y est, votre humble serviteur est enfin équipé. Voilà, je vous quitte sur la pointe des pieds, non sans avoir formulé l'expression habituelle. Tenez tati et à que la prochaine. C'était Prog à part, une émission proposée, réalisée et présentée par Thierry Sportouche. Avec l'aimable soutien de Roland Rock.